sainte mort, violent comme un pitbull. Il est scellé loin de l'enfant prodige. Ils ne lâcheront pas, le théorème l'exige. Alors fuis le squamac et ses incantations. Lui et ses foutes la barre et fait monter le sang.